Too deep, Bomberman. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre le clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Quand j'ai un mic dans la main, je pose des bombes. Essaie de les désamorcer et tu creuses ta tombe. Dans le métier, on me surnomme TNT. J'explose les MC hiver comme été. Un flow à la dynamite, mec. Une bombe en kit, mec. Un détonateur, un explosif pour le beat, mec. Notre son te cesse, ta somme comme de la nitro. Comme un Juan Haze quand on a mis trop. Explosif lyrics marqué sur nos CD. Trop d'MC sont adoucis, nous on n'a pas cédé. On balade à l'aise et on crache nos lignes. Des artificiers en Air Force sur un champ de mine. Artisanal, lyrical, technical, bombe. Un taf pas banal, tout deep qui sort de l'ombre. Mais quand le local chauffe, ma voix devient rauque. Les rimes sortent de ma bouche et tes oreilles sautent. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Le mic explose comme une bombe. Tu m'entends, tu me kiffes. À mes pieds, tu tombes. J'suis trop lourd, trop puissant, trop agité. Trop poussif, trop agressif, trop futé. Le morceau n'a un couplet. Je l'explose, parmi tes minutes tu me reconnais car je m'impose. J'dose, trop dynamite dans mon flow. Allume pas le briquet, sinon tu tombes KO. Tu peux pas me faire la guerre, j'suis trop armé. Bomberman au mic, descend les enfoirés. J'viens à ton concert comme kamikaze. N'expose tout ça donc tu puisses sortir une phrase. Gaz, pire que les nazis l'ont fait. Quand j'enflamme le mic, tout le monde est satisfait. Dans le rap, j'suis l'or entouré de pierres. Trop de rage dans le ventre, ça pas depuis hier. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Quand Teddy passe sur la scène, on compte les morts. On explose les jambes comme une mine clé mort. La rime assassine comme de la nitroglycérine. Nesflex débite et t'extermine. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de lutter. Mais la puissance est trop forte, on fera sauter. L'onde de choc et la déflagration sont fatales. Pour résister à notre son, faut un gilet par balle. Boum, boum, regarde ces flammes. Dame, dame, ça comme une balle dans ton crâne. Tu flippes, flippes et le mic brûle. MC, t'es en danger, c'est tout Jeep qui t'encule. Ma bouche en AK-47, toujours chargée. Lâche l'affaire dans notre âge, tu peux pas marcher. Gâché, ton rap, c'est du gâchis. Mec, sache que t'as de la chance si tu survis. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite. Bomberman déboule, pas de Glock. On a posé l'engin, t'as plus qu'à attendre clic. On fait une hécatombe quand on arrive sur le beat. Poseur de bombe, on met ton cul en orbite.